Chapitre 4. J'eus ensuite une autre vision, et je vis une porte ouverte dans le ciel. La voix qui résonnait comme une trompette et que j'avais entendue me parler auparavant me dit « Monte ici, et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » Aussitôt, l'esprit se saisit de moi. Et là, dans le ciel, se trouvait un trône. Sur ce trône, quelqu'un était assis. Son visage avait un éclat semblable à celui de pierres précieuses, de jaspe et de sardoine. Le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui brillait comme une pierre d'émeraude. Autour du trône, il y avait 24 autres trônes sur lesquels étaient assis 24 anciens habillés de blanc et portant des couronnes d'or. Du trône partaient des éclairs, des sons et des coups de tonnerre. 7 flambeaux allumés brûlaient devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y avait comme une mer de verre, aussi claire que du cristal. Immédiatement autour du trône et de chaque côté se trouvaient 4 êtres vivants couverts d'yeux par devant et par derrière. Le premier être vivant ressemblait à un lion. Le deuxième ressemblait à un veau. Le troisième avait un visage semblable à celui d'un homme. Et le quatrième ressemblait à un aigle qui vole. Chacun des 4 êtres vivants avait 6 ailes, et ils étaient couverts d'yeux partout, au-dedans et au-dehors. Ils ne cessent pas de chanter jour et nuit. « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, qui va venir. » Chaque fois que les 4 êtres vivants chantent pour glorifier, honorer et remercier celui qui est assis sur le trône, celui qui vit pour toujours, les 24 anciens tombent à genoux devant celui qui est assis sur le trône et adorent celui qui vit pour toujours. Ils jettent leur couronne devant le trône et disent « Ô notre Seigneur et notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté que l'existence et la vie leur ont été accordées. »